بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ceci est la deuxième partie du dars قواعد في طلب علم الكتاب والسنة، des règles dans la recherche de la science du livre et de la sunna. نسأل الله يسر إتمامها. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous aide à accomplir ce dars. Dans ce qui a précédé, il ne faut pas que les gens aient l'intention que celui qui parle est un savant, une personne qui a atteint un grand niveau dans la science. Ce n'est pas le but. Au contraire, celui qui parle est un mubtadi et non un mubtadi', un débutant dans la science et inshallah pas un innovateur. Et ce que je décris ici sont des conseils pour Al-Mubtadi'in, pour les débutants dans la science. Je continue donc dans les points précités. Le point suivant, Dirasat al-Mukhtasarat qabla al-Mutawwalat. Le fait d'étudier les livres courts et résumés avant d'étudier les livres longs et détaillés. Al-Mukhtasarat, on les appelle aussi Al-Mutun, sont des textes courts qui rassemblent les bases des sciences. Et les Mutun, on les citera plus tard, les principaux Mutun et leurs explications. Il y en a dans le Tawhid, comme il y en a dans le Hadith, comme il y en a dans le Fiqh, comme il y en a dans Ulum al-Ala, les sciences d'instruments, littéralement. C'est-à-dire la langue arabe, et particulièrement le Nahu, la grammaire, Usul al-Fiqh, les bases de la jurisprudence. Et Mustalha al-Hadith, la terminologie du Hadith. Allah Azza wa Jalla a dit: Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitab wal-hukma wal-nubuwa, thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. C'est le verset 79 de Sourate Al-Imran qui signifie: Il ne convient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah ». Donc ça c'est le premier point du verset. Le fait qu'il ne convient pas à une personne à qui a donné la science, son intention soit que les gens le suivent aveuglément et prennent sa parole en dehors de la parole d'Allah et de son messager et ainsi deviennent ses adorateurs. Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants ». Obéissant au Seigneur, Rabbaniyin, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Al-Baghawi, rahimahullah, a dit à propos de ce verset dans son tafsir, وَاخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ عَلِي وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ كُونُوا فُقَهَا عُلَمَا كُونُوا رَبَّانِيِّن. Soyez des savants obéissants au Seigneur. Et les savants ont divergé sur cela. Ali Ibn Abi Talib radiallahu anhu et Abdullah ibn Abbas al-Hassan, c'est-à-dire al-Basri, ont dit soyez des fuqaha, des savants et des ulama. Le sens de fuqaha dans le sens large, c'est le savant. Et dans un sens plus réduit, c'est le savant du fiqh, c'est-à-dire le savant de l'ahkam al-amaliya, les règles qui concernent les actes des membres. Wa qala Qatada hukama wa ulama, des sages et des savants, c'est la parole de Qatada parmi les tabi'in. وقال سعيد بن جبير العالم الذي يعمل بعلمه. On revient à ce qu'on a dit précédemment. Sa'id ibn Jubair, il a dit, c'est le savant qui agit selon sa science. Et c'est ça la base de la science, c'est de faire les actes qui s'en suivent, qui la suivent. وعن سعيد بن جبير كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فقهاء معلمين. Et Sa'id ibn Jubair rapporte d'Ibn Abbas qu'il a dit à propos de ce verset. Des fuqaha, des savants ou des savants du fiqh, et des mu'allimin, des gens qui enseignent. Wa qala ar-rabbani alladhi yurabbi an-nas bi-sighar al-'ilm qabla kibari. Et il a dit, radiallahu anhuma, ou il a été dit plutôt, wa qil ar-rabbani, le savant obéissant au Seigneur, c'est celui qui éduque les gens avec littéralement des petites sciences avant des grandes sciences. C'est-à-dire qui l'enseigne les bases de la science avant d'enseigner des choses plus importantes. Et certains savants sont basés pour dire d'étudier des textes résumés et des sciences simples avant d'étudier des choses compliquées. Celui qui en général commence par des livres des livres trop importants et non résumés, par exemple celui qui va commencer dans l'Aqidah par des livres détaillés comme Ma'arij al-Qabul de Hafiz al-Hakami, qui est un excellent livre mais qui est très détaillé et qui est en plusieurs volumes ou en un gros volume selon les éditions, et qui est extrêmement détaillé, qui donne beaucoup de dalil, beaucoup de adilla et les paroles des gens de l'innovation, etc., etc., ne va pas bâtir sa science de manière satisfaisante, et il va généralement être perdu, il va être obligé de revenir dans l'étude de la science vers des textes plus résumés et courts, comme par exemple l'Usul al-Thalatha de Cheikh Ibn Abd al-Wahhab et ses explications, Kitab al-Tawhid ou Lum'at al-I'tiqad d'Ibn Qudam al-Maqdisi ou Al-Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah, qui sont des textes résumés qui conviennent aux débutants et aux gens qui débutent dans la science. De même, une personne qui va commencer dans le fiqh par des livres comme Al-Kafi d'Ibn Qudama dans le fiqh de l'imam Ahmed ou Al-Mughni, encore pire, va être perdu. Pourquoi? Parce que le Kafi, il cite Al-Ikhtilaf al-Madhhab, la divergence dans l'école même de l'imam Ahmed. Donc ça va être très difficile. Il va se retrouver devant 3 versions, 4 riwayas, ça va être très difficile. Que dire de l'Mughni qui cite Al-Khilaf al-Madhhabi et qui cite ce qu'on appelle Al-Khilaf al-Ali? Il cite le khilaf à l'intérieur du madhab de l'imam Ahmed et dans les autres écoles, les 4 écoles ou plus, avec les paroles des tabi'in. Ça va être très difficile. De même pour Nail al-Awtar de Shawkani dans Ahadith al-Ahkam, ça va être très difficile parce qu'il cite les divergences. Donc il faut qu'il commence par des livres résumés comme Umdat al-Fiqh, Al-Udda, Sharh al-Umda ou Manar al-Sabil d'Ibn Dwayyan, Al-Hanbali, qui sont des livres résumés à la Qawlin Wahid, qui cite un seul avis, par exemple dans le Fiqh. Et on a cité dans l'Aqida, etc., etc. Nassallahu alayhi wa sallam. On détaillera ce point plus tard, à la fin du tas. Le point suivant, il est extrêmement important, et on va le détailler. Hajr kutub al-bid'a wa ahliha. Le fait de délaisser les livres de l'innovation et des gens de l'innovation. Qala l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, wa kullu hadhi al-kutub al-mutadamminati li mukhalafati al-sunnah ghayru ma'dhunin fiha. بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضر منها وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف وتفرق بين الأمة. ابن القيم رحمه الله dit tous ces livres qui s'opposent à la sunna, il est interdit de les lire, mais il est plutôt permis de les détruire. Et il n'y a pas pire pour la communauté ou plus néfaste pour la communauté que ces livres-là. Et les compagnons ont brûlé les masahif, les copies du Coran, qui étaient opposées au mushaf de Uthman, radiallahu anhu, quand ils ont eu peur pour la communauté de la divergence. Que dire s'ils avaient vu ces livres qui ont semé la divergence et la division dans la communauté. Qal al-Khalal bi isnadi wa dhakar isnadahu. قال أبو عبد الله أهلكهم وضع الكتب تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. يا أبو عبد الله الإمام أحمد c'est rapporté par Al-Khalal a dit ils ont été perdus par les livres qu'ils ont forgés, ils ont délaissé les traces, c'est-à-dire les hadiths du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et ils sont orientés vers le kalam, vers la théologie spéculative. Et il a dit aussi, comme c'est rapporté de Al-Muqri, قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرأي فرفع صوته وقال لا يثبت شيء من الرأي عليكم بالقرآن والحديث والآثار. Et Al-Muqri dit, j'ai entendu Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, et on lui a demandé à propos de Al-Ra'i. Al-Ra'i, c'est quoi? C'est l'opinion. Al-Kalam, c'est dans l'Aqida. Al-Kalam, c'est la théologie spéculative, c'est-à-dire le fait d'utiliser les règles d'Aristote et des Grecs et de comprendre l'aqida et les hadiths concernant sifat et l'iman par rapport à ces règles-là. C'est ça qui a égaré les sectes, parmi eux Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ara, Al-Maturidiya et d'autres. Al-Ra'i, c'est dans le fiqh. C'est le fait de soumettre les règles du Coran et de la Sunna en ce qui concerne le fiqh au qiyas et à l'opinion humaine. Et les plus forts dans cela, c'est l'école de Abu Hanifa. Mais ce que l'on nomme Ahl al-Ra'i, c'est l'école d'Abu Hanifa dans le fiqh. Qu'est-ce qu'il dit Abu Abdillah, l'imam Ahmed, en élevant la voix, le ra'y, l'opinion ne repose sur rien. Suivez le Coran, le hadith et l'athar, c'est-à-dire les narrations des compagnons et des salafs. Et il est rapporté, wa qala fi riwayat ibn Mushaysh, un de ses élèves, il dit: Inna Aba Abdillah sa'alahu rajul fa qala aktub ar-ra'y fa qala ma tasna'u bir-ra'y 'alayka bis-sunan fa ta'allamha wa 'alayka bil-ahadith al-ma'rufa wa hadha kullu fi turuq al-hukmiyya fi as-siyasa ash-shar'iyya ibn al-Qayyim safhat 34 wa 200 tab'a ad-dar al-bayan. Il dit Mushaysh ibn Mushaysh dit: on a demandé à Abu Abdillah l'imam Ahmad rahimahu Allah. Et une personne a demandé: est-ce que j'écris l'opinion, c'est-à-dire est-ce que j'écris le fiqh selon les gens de l'opinion, est-ce que j'écris le qiyas, l'aqliyat, etc., etc. Il dit: qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Suis les sunan, suis la sunna, apprends-les et suis l'athar, et suis les hadiths qui sont connus, c'est-à-dire les hadiths qui sont connus dans le fiqh ou dans d'autres choses que ça. Délaisse l'opinion et l'innovation et suis la preuve du Coran, la sunna et des livres des savants parmi les salafs et ceux qui les ont suivis, et c'est dans le livre At-Turuq al-Hukmiyya. Le point suivant, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, al-hadar min al-bid'a al-mabthutha fi kutub al-ilm, le fait de faire bien attention aux bid'a qui sont répandues dans les livres de science. Et il faut que tu saches avant, la première chose avant d'acheter un livre et bien sûr de le lire et de l'étudier, c'est de savoir est-ce que ce livre là c'est un livre de sunna mahda, de sunna pure, ou que c'est un livre rempli de bid'ah. Abdillah, le fils de l'imam Ahmed, a dit: Qultu li abi ma taqulu fi ashab al hadith ya'tun al shaykh la'allahu yakana murji'a la'allahu yakunu murji'a aw shi'iyya aw fihi shay'un min khilaf al sunnah ayas'uni an askut 'anhu aw uhadhdhiru 'anhu fa qala abi in kana yad'u ila bid'atin وهو إمام ويدعو إليها تحذر عنه. مسائل عبد الله اليابي صفحة 39 400. Le fils de l'imam Ahmed Abdullah a demandé à son père: que dire si je vois des gens du hadith, c'est-à-dire des savants ou des étudiants en sciences, qui s'assoient avec un cheikh, et ce cheikh il est peut-être murji ou shi'i, ou il a autre chose qui est opposée à la sunna, est-ce que je me tais ou j'avertis les gens contre lui? Mon père me dit alors: s'il appelle à son innovation et qu'il est un imam, en appelant à cette innovation, avertis contre lui. C'est exactement ce qu'on doit faire en ce qui concerne les savants, qu'ils soient anciens ou contemporains. Si la personne sait qu'il a une bid'a, il doit avertir contre cette bid'a et contre les bid'a qui sont présents dans ces livres, et c'est ce qu'on va faire ici. On a sallallahu alayhi wa sallam. La première bid'a dont nous parlons, qui est extrêmement répandue dans de nombreux livres de science, c'est bid'atul irja, la bid'a de l'irja. On en a parlé dans un dars très court qui est sur internet. Ce dars-là, il est très court pour une raison, c'est qu'il a été enregistré dans l'année 2010 et il a été enregistré sans être préparé. C'est-à-dire c'est un frère qui m'a posé une question dans une assise et qui a enregistré. C'est l'un des premiers dars qui a été enregistré dans l'année 2010, si je me souviens bien. Donc, on refera un dars plus détaillé sur la question de l'irja. L'irja, la base de l'irja, c'est le fait de ikhraj al-amal an musamma al-iman, le fait de sortir les actes de la définition de la foi, c'est-à-dire de croire clairement qu'une personne il peut être mu'min et muslim, même s'il ne fait aucun acte de bien. S'il ne fait aucun acte de bien, qu'il ne fait ni salat, ni zakat, ni siyam, ni hajj, ni quoi que ce soit, il reste quand même muslim. C'est ça l'irja. C'est ça l'irja. قال ابن تيمية, il y a d'autres formes de irja comme le tajahum, le fait de croire que l'iman c'est juste la connaissance du cœur, ma'rifatul qalb, et ça c'est l'irja, al-ghali, al-tajahum, et les deux sont des bid'a, et les salafs ont été très durs avec ceux qui portaient cette bid'a. قال ابن تيمية وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف في الإيمان الكبير مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 64 و 300. Ibn Taymiyyah il dit: et beaucoup de gens parmi les suivants parmi les derniers, c'est-à-dire pas parmi les mutaqaddimin, les savants des salafs, mais les gens qui sont venus après eux à partir du 4e siècle, juste à l'époque d'Ibn Taymiyyah, et ça s'est déchaîné après Ibn Taymiyyah jusqu'à notre époque, et beaucoup de gens parmi les suivants ne font pas la différence entre la voix des salafs et les paroles des murji'a et des jahmiya en ce qui concerne la foi. Car ils mélangent cela et cela, ou ils mélangent les paroles des murji'a et des jahmiya et les paroles des salafs, ils les mélangent. Car en secret dans leur cœur, ils ont la croyance des Jahmiyyah et des Murji'a dans l'Iman et ils respectent les Salaf et Ahl al-Hadith. Alors ils pensent qu'il va pouvoir rassembler entre les paroles de cela et les paroles de cela. C'est-à-dire qu'il va rassembler soi-disant entre les paroles des Jahmiyyah et des Murji'a et entre les paroles des Salaf dans l'Iman. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, au fond de lui, il a la croyance des Jahmiyyah et des Murji'a. Subhanallah, Ibn Taymiyyah ici, on dirait qu'il parle de notre époque. Beaucoup de gens y prétendent qui ne sont pas des murji'a, ils prétendent même qu'ils font la guerre aux murji'a, qu'ils ont la croyance d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a dans les questions de l'Iman ou al-Kufr, et en réalité ils ont la croyance de Jahmiya et de murji'a en ce qui concerne l'Iman, en ce qui concerne l'Amal, en ce qui concerne Tark al-Salah, en ce qui concerne le fait de délaisser la Salah, en ce qui concerne l'Udhub al-Jahl, en ce qui concerne l'Hakimiyya, en ce qui concerne l'Ilaqa bain al-Dahr al-Batin, la liaison entre le cœur et les actes des membres. On détaillera tous ces points, inshallah, bi'ithnillah azza wa jal. En réalité, ils ont la croyance de Jahmiya et de murji'a. On pourrait les citer presque par centaines, parmi les anciens et parmi les contemporains. Parmi les auteurs connus, les gens pensent qu'ils sont sur l'aqidah de Ahl al-Sunnah, même ils étudient leurs livres en pensant que c'est l'aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Parmi eux, At-Tahawi. Beaucoup de gens pensent que Tahawiyya, c'est la croyance de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Pourquoi alors al-Tahawi, il dit dans sa aqida, « Wal-Iman, wal-Iqraru bil-Lisan, wal-Tasdiqu bil-Janan » Pourquoi dit-il que la foi, c'est le fait de reconnaître par la langue et de déclarer véridique par le cœur? Jazakallah. Est-ce que cela est la aqida de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, alors que les salafs disent, comme le dit Waqi' ibn al-Jarrah, qui est le cheikh de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, Ahl al-Sunnati yaqulun, al-Iman qawlun wa amal. Les gens de la Sunna disent, la foi c'est la parole et l'acte, c'est-à-dire la parole du cœur et la parole de la langue. La parole du cœur c'est le tasdiq, le fait de déclarer véridique Allah, ses messagers, le jour du jugement dernier. Et la parole de la langue, le fait de déclarer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et l'amal, amal al-qalbi wa amal al-jawarah, les actes du cœur, comme l'amour et la crainte et le fait de placer sa confiance à Allah, et les actes des membres, comme le fait de faire la salat et d'autres. La foi, c'est tout cela. Si l'une de ces choses vient à manquer, il n'y a pas de foi, c'est le kufr. Wal murji'ah taqul al-iman qawlun bil amal. Et les murji'ah disent, la foi, c'est la parole, sans les actes. C'est exactement ce que dit Tahawi. Tahawi dit quoi? L'iqraru bil lisan wa al-iqraru bil lisan wa at-tasdiqu bil janan. C'est exactement la définition que donne Waqi' ibn al-Jarrah de al-Murji'a. Comment donc at-Tahawiyya devient l'aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a? De même, l'aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, comme vous le savez, c'est que le kufr, c'est exactement comme l'iman. La définition du kufr chez Ahl al-Sunnah, yuqabilu ta'rif al-iman. C'est-à-dire que la mécréance pour Ahl al-Sunnah, c'est soit l'i'tiqad, soit le qawl, soit l'amal, soit la croyance du cœur, soit la parole de la langue, soit les actes des membres. On peut sortir de l'islam par une de ces trois choses. Qal al-qadi Abu Bakr al-Baqillani wal qawl indi an al-kufr billah wal jahl bi wujudi. Et ça c'est dans le shifa de al-qadi Iyad. Abu Bakr al-Baqillani, il dit, la vie pour moi c'est que la mécréance en Allah c'est le fait d'ignorer son existence. والإيمان بالله والعلم بوجوده. Et la science d'Allah, la foi en Allah, c'est le fait d'avoir la connaissance de son existence. Qu'est-ce qu'il dit, Waqi' ibn al-Jarrah, dans la définition de la foi? Il dit quoi? وَالْجَهْمِيَةُ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ وَالْمَعْرِفَةُ. Et les Jahmiyyah disent, la foi, c'est la connaissance du cœur. C'est-à-dire exactement la définition d'Abu Bakr al-Baqillani, c'est-à-dire un imam parmi les imams de l'Asha'ira, de la secte des Asha'arites. Il a donné la définition de Jahmiya. La parole de Waqi' est citée par Al-Ajurri dans Sharia, numéro 315, et par Al-Lalika'i, dans Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a au numéro 1937. At-Tirmidhi rapporte dans Kitab al-Iman de son Sunan, sami'tu Aba Mus'ab al-Madani parmi les savants des salaf, يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الترمذي الإمام الترمذي c'est pas parmi les roulats ou parmi les takfiriyin ou parmi les contemporains. الترمذي rapporte dans le livre de la foi de son Sunan, je rappelle qu'il est le cinquième livre ou le cinquième livre parmi les kutub sitta qui font soi-disant unanimité chez les gens de la Sunna. Il dit que Abu Mus'ab al-Madani parmi les tabi'in dit: celui qui dit la foi, c'est une parole, on lui demande de se repentir. Soit il se repent, soit on lui coupe la tête. C'est la parole qui est citée dans Sunan al-Tirmidhi. On ne va pas s'apesantir sur Al-Irja, on fera un dar spécial, Inch'Allah, et on citera tous ces qawla. Al-Irja est extrêmement répandu dans la plupart des livres. On trouve par exemple dans Fath al-Bari, l'explication de Al-Bukhari. Ibn Hajar dit: إن السلف في قولهم إن الإيمان هو اعتقاد من القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان أركان عفوا أنهم أرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. Ibn Hajar dit que les salafs, lorsqu'ils disent que la foi c'est la croyance du cœur, la parole de la langue et le fait d'agir selon les piliers de l'islam, ils veulent par là dire que les actes des membres ce sont une condition d'accomplissement de la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition. C'est une condition d'accomplissement. Ça veut dire que celui qui délaisse les actes, il est toujours croyant. C'est la croyance d'Ibn Hajar qui est repris plus tard par Al-Albani. Est-ce que c'est la croyance des salafs? Non. Puisque les salafs, ils rendent mécréant celui qui délaisse les actes des membres. Comme il est rapporté ijma'an par l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, wa kana al-ijma'u min al-sahabati wa al-tabi'in, min ba'dihim mimman adraknahum, anna al-iman qawlun wa amalun wa niyya, la yuzi wahidu min al-thalathati bil-akhar, rawah al-lalika'i fi al-sunnah. Al-Shafi'i rapporte, il y a unanimité des compagnons et des tabi'in, et de tous ceux qui sont venus après eux, parmi ceux que nous avons rencontrés parmi les gens de science, que la foi c'est une parole, un acte et une intention. Et que l'un de ceux-là n'est pas valide sans les trois autres. Ou que l'un des trois n'est pas valide sans les autres. C'est-à-dire que si l'on délaisse l'un des trois, acte du cœur, parole de la langue ou acte des membres, la personne n'est plus croyante, elle devient donc kafir. C'est rapporté par Allah al-Kaï, le numéro 1593 dans As-Sunnah. Parmi les bid'ahs qui sont répandus dans les livres de science, بدعة الجهمية والأشاعر والماتريدية في الأسماء والصفات. La croyance ou l'innovation des Jahmi, des Ash'ari et des Maturidi en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, c'est-à-dire soit le reniement, soit l'interprétation des attributs d'Allah. À ce sujet, Habib ibn Atiq, parmi les savants du Najd, écrit une lettre à Siddiq Hassan Khan, qui est un des savants du Hadith en Inde, qui est tombé dans certaines innovations dans son tafsir. Il lui fait un conseil et il lui dit: وَعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَنَّ الَّذِي جَرَيْنَا عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا وَصَلَ إِلَيْنَا شَيْءٌ مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ فِي التَّفْسِيرِ وَشَرْحِ الْحَدِيثِ اخْتَبَرْنَا وَاعْتَبَرْنَا مُعْتَقَدَهُ فِي الْعُلُوِّ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ فَوَجَدْنَا الْغَالِبَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَوْ أَكْثَرُهُمْ مَذْهَبُ الْأَشَاعِرَةِ الَّذِي حَاصِلُهُ نَفْسُ الْعُلُوِّ وَتَأْوِيلُ الْآيَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال ومن نظر في شرح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها درار السنية مجلد 13 صفحة 25 و 26 حمد بن عتيق الديساش كالله تجيد que notre habitude si nous vient, quand nous vient un livre de tafsir ou d'explication du hadith, c'est que nous le mettons à l'épreuve dans sa croyance sur l'élévation d'Allah, c'est-à-dire le fait qu'Allah soit au-dessus de toute chose par son essence. Allah est au-dessus de toute chose par son essence, C'est l'unanimité, et le Coran, le Sunna et l'unanimité des salafs sont sur cela. Et nous avons trouvé que la plupart des muta'akhirin, la plupart d'entre eux sont sur la voie des Asha'ira. Ils renient Al-Ulu, l'élévation d'Allah. Et ils interprètent les versets dans cette question-là, les noms et les attributs. Avec des interprétations qu'ils ont héritées de Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi, c'est un des imams des Mu'tazila qui a été sorti de l'islam par les salafs. Il dit, et celui qui regarde les explications de Bukhari ou Muslim trouvera ce que je dis, c'est-à-dire l'interprétation et le reniement des attributs d'Allah. Et on sait quelles sont les explications de Bukhari ou Muslim qui sont répandues parmi les gens. On rappelle que cela est une unanimité des savants, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Ibn Battah rapporte dans l'Ibn al-Kubra, Ajma' al-Muslimun, min al-Sahabati wa al-Tabi'in, wa jami'i ahl al-ilmi min al-Mu'minin, anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arshih, fawqa samawatih, ba'inun min khalqih, wa ilmuhu muhitun, bijami'i khalqih. Ibn Battah rapporte, les musulmans sont unanimes, parmi les compagnons et les Tabi'in, et tous les gens de science parmi les croyants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est sur son trône, au-dessus des cieux, et qu'il est différent de sa création ou séparé de sa création, subhanahu wa ta'ala, et sa science recouvre toute sa création, c'est-à-dire il sait toute chose, tout ce qui se passe. Le Cheikh Abdullah Abu Abutain dit, wal ash'ariya la yuthbituna 'uluw ar-rabb fawqa as-samawati wa istiwa'ihi 'ala 'arshih wa yusammuna man athbata as-sifata al-'ulu wal istiwa'a 'ala al-'arsh mujassiman mushabbiha. Et les Ash'arites, et parmi eux les Ahbash, et parmi eux le Maturidiyya, c'est-à-dire la plupart des habitants de l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, parmi eux cette secte bien connue, ne reconnaissent pas ou n'affirment pas l'élévation du Seigneur au-dessus des cieux. Et le fait qu'il soit élevé, istawa, est établi au-dessus de son trône. Et il nomme ceux qui affirment l'attribut de l'élévation d'Allah au-dessus de son trône comme étant un mujassim, quelqu'un qui donne un corps à Allah, et un mushabbih, quelqu'un qui fait ressembler Allah à la créature. Al-kadhabin. وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلِهَا لَسُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. C'est en opposition avec ce sur quoi sont les gens de la sunna et du groupe. فَإِنَّهُمْ يُثْبِتُونَ صِفَةَ الْعُلُو. Car ils affirment l'attribut de l'élévation d'Allah. وَالْاِسْتِوَى كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ. Et ils affirment cela comme là nous a informé Allah Azza wa Jalla à propos de lui-même, et comme l'a décrit son messager sallallahu alayhi wa sallam, sans dire comment et sans vider l'attribut de son sens, at-ta'til. Wa sarraha kathir min as-salaf bi kufri man lam yuthbit sifat al-uluw wa al-istiwa. Et beaucoup de salafs ont clairement affirmé la mécréance de celui qui n'affirme pas l'attribut de l'élévation d'Allah au-dessus de sa création. Et on rappelle que le verset Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône, istawa ala wa irtafa'a, comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, c'est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari et Abdullah ibn Ahmed fi sunna. Istawa, ça signifie il s'est élevé au-dessus de son trône. Le trône est au-dessus des sept cieux. Donc Allah est au-dessus de toute chose. Ar-Rahman al-Arsh istawa est répété sept fois dans le Coran al-Karim. C'est-à-dire que les Jahmiya, ils ont au moins mécru sept fois Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ont mécru en sept versets. Et l'Asha'ira, la yab'uduna an dhalik. Ayyuhannam, istayqid. Khal, walakin, wal Asha'ira wafaqu al-Jahmiya ta fi nafi hadhihi as-sifa. Lakin al-Jahmiya yaqulun annahu subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. ويسمون الحلولية والأشعرية يقولون كان ولا مكان فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان في الدرع السنية مجلد الأول صفحة 64 و300. لأشعريت sont en accord avec le Jahmiya dans le fait de renier cet attribut, l'attribut de l'élévation. Mais les Jahmiya disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans tout endroit, subhanahu wa ta'ala, et pour cela les salafs, ils ont sorti de l'islam La personne qui dit ça est un kafir bil kitab wa sunna wal jama'a wal fitrati wal aql. Et la personne qui dit qu'Allah est en tout lieu, c'est un mécréant. Il a mécru au Coran, à la sunna, il a mécru à l'ijma', il a mécru à l'fitra, la saine nature sur laquelle Allah il a créé l'homme, il a mécru à l'aql, et il est plus kafir et plus bête que toutes les bêtes de la terre, puisque les salafs ont mentionné dans leurs livres que les animaux, lorsqu'il y a un feu ou une calamité, tous les animaux lèvent leur tête vers le ciel. Et par cela, ils appellent Allah et ils implorent Allah de les secourir. Donc ils savent, fitraten, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses cieux, au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala. Et l'Ash'ariya disent qu'Allah existe sans endroit, subhanallah. Qu'est-ce qu'on appelle, si on demande à une personne qu'est-ce qui existe sans endroit, il va dire le néant, al-adam. Donc l'Ash'ariya, ils adorent al-adam. Et il est... Écoutez cette parole philosophique, c'est la parole de la Sha'ara. Et il est où il est avant qu'il ait créé l'endroit. Ça ne veut absolument rien dire. C'est leur croyance, Allah al-Musta'an. C'est la croyance de beaucoup de gens à notre époque, parmi les savants, entre guillemets, de l'Azhar. C'est ce qui est enseigné à l'Azhar. Je ne sais pas comment une personne qui se dit salafi et sunni peut étudier à l'Azhar. Allah al-Musta'an, c'est la croyance du mufti d'Égypte, Al-Jum'a al-Siddiq, et d'autres. Parmi Abdelhamid Kishk et d'autres. Tout cela, c'est dans Dura Sanir, le volume 1, la page 364. فَمَنْ أَرَادَ عِلْمًا سَلَفِيًّا نَقِيًّا فَعَلَيْهِ بِكَثْرَةِ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ ثُمَّ قِرَاءَةِ كُتُبَ أَهْلِ السُنَّةِ خَاصَةً فِي التَّوْحِيدِ كتب الأجر والبربهاري وبالقاسم اللالكائي وشيخ الإسلام تيمية بن القيم والإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية. Celui qui veut une science, en ce qui concerne particulièrement l'aqida salafi, propre, pure, qu'il lise beaucoup le Coran et qu'il le médite, puis la sunna, et qu'il lise les livres des gens de la sunna. Parmi lesquels, Al-Ajurri, Muhammad ibn Hussein Al-Ajurri, qui a son livre de Aqidah qui s'appelle Al-Sharia. Il est mort en 360 de l'Hégire. Avant lui, Al-Sunna de Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, qui est mort en 290 de l'Hégire. Ou Al-Ibana ibn Batta, qui est mort en 387 de l'Hijra. Et Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnati wal-Jama'a de l'Al-Kai, parmi les plus détaillés. Al-Kai est mort en 418 de l'Hijra. Son livre s'appelle « Explication des bases de la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a ». De même, les livres de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, parmi lesquels « Iman al-Kabir » ou « Iman al-Awsat » et d'autres, « Al-Wasutiyya, Al-Hamawiyya, Al-Tadmuriyya » et d'autres. Et les livres de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, parmi lesquels « Al-Sawa'iq al-Mursala »,« Al-Salah wa Hukm Tarikiya » et d'autres. Et parmi les livres de Muhammad Abd al-Wahhab et des savants du Najd, « Al-Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubuhat, Mufid al-Mustafid » les explications de Kitab al-Tawhid comme Taysir al-Aziz al-Hamid ou Fath al-Majid, l'intisar à Hizbullah al-Mu'ahidin de Abdullah Babutayn, Dala'il de Sulaym ibn Abdillah et d'autres, parmi les livres des Salaf, dans l'Iman, dans As-Sifat et d'autres. En ce qui concerne l'étude du fiqh, on l'a déjà cité dans les doros de l'introduction à l'étude du fiqh, que la personne qui veut arriver à une science, il doit forcément, dans cette question-là, il doit forcément étudier dans l'un des quatre madhabs, dans l'un des trois madhabs, on va dire, Maliki, Shafi'i ou Hanbali. L'un des plus proches de la sunna, parmi les usul, étant le madhab de l'imam Ahmed. C'est celui que personnellement je connais le mieux, donc je n'en conseillerai pas d'autres. Celui qui veut étudier le madhab de l'imam Malik, qui est un shaykh qui est Maliki, sunni, salafi, athari, la haraj fi dhalik. On a déjà décrit les preuves de cela, les preuves, on va dire plutôt l'intérêt de cela, c'est-à-dire d'étudier le fiqh selon un madhhab et de commencer par un matn ala qawlin wahid, selon un avis, pour ne pas être égaré par le khilaf, la divergence au début de l'étude du fiqh. Et on finit ce dars par un barnamesh, par un programme mutawadi', modeste en ce qui concerne la science. La première chose, d'étudier dans le tawhid, c'est Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, puisque c'est un livre qu'il a étudié pour les gens du commun et pour être lu et appris dans les mosquées à son époque et à l'époque de ses enfants, et cela s'est continué plus tard. Les explications de l'Usul al-Thalatha et l'Al-Hashiya du Cheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, qui est une très bonne explication, et parmi les contemporains, l'Ijaza, c'est Shah al-Usul al-Thalatha du Cheikh Ali al-Khudayr, Fakallahu Asra. Je cite ici les livres de Cheikh Ali al-Khudayr, je vais les conseiller tout au long. C'est parmi les meilleurs livres qui ont été écrits par les contemporains, et on ne conseille pas beaucoup de livres des contemporains, particulièrement dans le Tawhid, dans l'Aqida. La plupart des contemporains sont tombés soit dans l'Irja, soit dans d'autres innovations, mais les livres de Cheikh Ali al-Khudayr suffisent comme introduction, comme habitude, comme on va dire, comme entraînement pour passer au livre des Mutaqaddimin par la suite, au livre d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim, des savants, des salafs qu'on a cités précédemment, Ibn Battal, Ajurri, Al-Arkai, et les livres d'Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Donc la première chose, c'est l'usul al-thalatha, par lequel la personne va s'ouvrir à la science, particulièrement la science du tawhid. Et il va, comme disent certains, ouvrir son esprit à la science, c'est-à-dire qu'il va s'habituer au terme des ulama à savoir quelles sont les priorités dans la science, etc., etc. Et il devra continuer ensuite par nawaq de l'islam. وليكثر من قراءة القرآن الكريم وحفظه وليقرأ في الأحاديث والآداب رياض الصالحين. Et qu'il lise à ce niveau-là beaucoup de Coran, et qu'il essaye d'apprendre le Coran par cœur, et on l'a cité dans le premier dars, l'importance d'apprendre le Coran par cœur, et qu'il lise un livre qui ne renferme que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les comportements, sur les actes du cœur, a'mal al-quloub, sur l'adab, les bienséances, et sur les interdictions. C'est le livre Riyad al-Salihin, qui est un trésor de science. Wa fil fiqh, فليدرس على الابواب. En ce qui concerne le fiqh, pour la personne qui n'a pas de cheikh, il faut qu'il étudie selon les chapitres. C'est la meilleure chose qu'on peut dire. C'est-à-dire, il étudie, il prend un livre. On va citer dans le fiqh de l'imam Ahmed, par exemple, Umdat al-Fiqh, avec son explication, Al-Udda, Sharh al-Umda. Il y a d'autres livres. Et il étudie chapitre par chapitre. La première chose, Kitab al-Miyah, le chapitre des eaux, ou Bab al-Miyah. Il lit dans l'Udda Sharh al-Umda. Ensuite, il lit le même chapitre dans un livre de Hadith al-Ahkam, des livres de Hadith qui ont été écrits et qui rassemblent des Hadiths seulement sur le fiqh. Ils sont au nombre de trois. Umda al-Ahkam, qui rassemble entre 300 et 400 Hadiths sur le fiqh, tous rapportés par al-Bukhari ou Muslim. Le deuxième étant Bulugh al-Maram de Ibn Hajar, qui est beaucoup plus détaillé et qui lui renferme à peu près 1300 et quelques hadiths, 357 hadiths concernant le fiqh, et murattaba ala abwab al-fiqh, classé selon les chapitres du fiqh. Et il y a des chapitres à la fin sur l'adab, sur les bienséances, extrêmement profitables. Il lit donc le chapitre des eaux dans l'Udda Sharh al-Umda. Et ensuite, il lit le chapitre des eaux dans une explication de Umdat al-Ahkam, par exemple, Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, d'Abdullah al-Bassam, parmi les contemporains, ou l'explication de Bulugh al-Maram, Subul al-Salam, Sharh Bulugh al-Maram, de San'ani, ou Tawdih al-Ahkam, Sharh Bulugh al-Maram, de al-Bassam. L'essentiel, il lit le même chapitre. À ce moment-là, il a un cahier. Les fawa'id qu'il va trouver dans l'explication de Umdat al-Fiqh, c'est-à-dire son livre de fiqh, résumé selon un avis dans un madhhab, je précise, je continue à le dire, il va le comparer à ce qu'il a lu dans les livres de Hadith al-Ahkam et leurs explications. Taysir al-Allam, Tawdih al-Ahkam, Subul al-Salam. Et il va... Ce qu'il n'aura pas compris dans le premier livre, il va le comprendre dans le deuxième. Et ce qu'il n'y avait pas dans le premier livre, il l'aura dans le deuxième. Et il essaye de faire un résumé, d'apprendre le dalil par cœur et les mas'alas. Et c'est ainsi qu'il va étudier en écrivant. S'il ne comprend pas d'al-Udda, il prend un autre livre de fiqh dans le madhab de l'imam Ahmed, comme par exemple Manar al-Sabil, fi Sharh al-Dalil, ou des livres contemporains comme al-Fiqh al-Muyassar, fi Daw al-Kitab wa Sunna, sont des livres simples. Il étudie la même question, le même chapitre dans le livre, et à la fin il va comprendre toutes les masa'il, incha'Allah ta'ala. C'est pour la personne qui étudie seule. Celui qui étudie avec un cheikh ou avec un talib al-ilm, il se base sur ce qu'il enseigne, et ensuite il révise en rentrant chez lui le chapitre qu'il a étudié avec son enseignant. ويجمع بين الكتابين في الدراسة واحفظ الأحاديث واحفظ المسائل المهمة من عمدة الفقه مثلا فروض الوضوء ونواقضه. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie les deux livres ensemble, en rassemblant les enseignements dans un cahier, en apprenant les preuves par cœur, en apprenant les questions importantes. Par exemple, les obligations de l'Wudu sont au nombre de temps, et il les apprend par cœur, etc., etc. Une fois qu'il a fini Kitab al-Tahara, et on rappelle que les règles contenues dans Kitab al-Tahara sont une science qui est fard'in ala kulli muslim, une obligation individuelle. C'est une obligation individuelle pour chaque muslim de savoir quand il peut faire tayammum, quand il ne peut pas le faire. Quelles sont les conditions du ghusl? Quelles sont les annulations de l'wudu, etc., etc. Ensuite, le deuxième chapitre, il fait pareil avec le livre de la Salah. Et il étudie « Al al-Abwab » selon les chapitres, comme nous l'avons expliqué précédemment. Ça, c'est dans le fiqh. Troisièmement, il essaye d'étudier « Al-Arba'in al-Nawawi » les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Bien sûr, ce n'est pas ses hadiths à lui, c'est lui qui les a rassemblés dans un livre. Mais il étudie surtout le Khamsin al-Rajabiyya, les 50 hadiths rapportés par Al-Hafid ibn Rajab et expliqués dans son livre grandiose Jami' al-Ulum wal-Hikam. Il y trouvera beaucoup d'enseignements dans l'adab, dans les actes du cœur, dans les bienséances, dans la crainte d'Allah, dans le wara', des enseignements dans de nombreuses sciences. Dans le Tawhid, il continue. Après le Sur le Thalatha et le Waqd al-Islam, il passe. Selon certains savants, il commence par Kashf al-Shubuhat. Selon d'autres savants, il commence par Kitab al-Tawhid. Kashf al-Shubuhat a deux explications. Bien sûr, il en a beaucoup plus, mais on conseille deux explications. Et on conseille de délaisser les deux autres. Le Sharh de Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui est résumé et très simple. Et le deuxième, le Tawdih wa Tatimmat ala Kashf al-Shubuhat, le Sheikh Ali al-Khudair, qui est plus détaillé et qui est très bien. Fakallahu asr. Ensuite, ثم ينتقي الى اعظم واشمل كتاب في توحيد العباده الذي هو كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله او فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن. Ensuite, il étudie l'un des plus grand livre, et on l'a cité dans le premier dars, qui a été écrit dans Tawhid al-Ibad, le Tawhid à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec ses explications, soit Taysir al-Aziz al-Hamid, le premier charh qui a été écrit de Cheikh Sulaiman ibn Abdullah, qui est très détaillé, soit Fath al-Majid, qui est plus résumé du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il a aussi un autre charh, explication qui est encore plus résumé, et qui a, je pense, été traduit en français dernièrement, Qurrat Uyun. وينبغي للموحد أن يكثر من قراءة رسائل علماء نجد من مجموعة التوحيد والدرر السنية وعقيدة الموحدين. Il convient à ce moment-là que le mouahid lise beaucoup les livres des savants du Najd, qui sont rassemblés dans trois recueils: مجموعة التوحيد, qui est un recueil relativement ancien qui rassemble des rasail d'Ibn Taymiyyah, de Muhammad al-Wahhab et de ses élèves sur les questions de Tawhid al-Ibada et sur les questions de l'Wala wal-Bara, dans Durar al-Saniya, qui est beaucoup plus détaillé, qui est beaucoup plus détaillé, et qui rassemble des questions pas simplement liées au Tawhid, mais aussi des questions de fiqh, des fatawa, et des questions liées à la fin aux interdictions, en 16 volumes. Ce livre est un trésor qu'il convient d'acheter et d'étudier, mais qui est très difficile à trouver dans certains pays. Dora Saniya fil Ujubat al-Najdiya, ou alors un livre qui s'appelle Aqidat al-Muwahhidin, qui rassemble aussi des épîtres des savants du Nejd dans un volume particulièrement sur la question du tawhid et de l'asma wal ahkam, des noms et des statuts, et de l'absence de l'excuse de l'ignorance dans le shirk al-akbar. Des rasaïls comme l'intisar d'Abdullah Babtain, Mufid al-Mustafid du Sheikh Ibn Abdul Wahhab, ou Takfir al-Mu'ayyan du Sheikh Ishaq Ibn Abdurrahman. Pourquoi nous conseillons les livres de ces savants? Premièrement, parce qu'il y a des ignorants parmi Afrakh al-Jahmiya et al-Mujadirin an al-Mushirkin et al-Zanadiqa qui mettent en garde contre les livres des savants du Nejd, alors qu'ils représentent la troisième génération d'Ahl al-Sunnat al-Mahda, des gens de la Sunna pure, et qu'elles traitent des sujets les plus importants parmi les sujets du Din, c'est-à-dire le Tawhid, Asl al-Din, la base du Din. Pour ceux qui acceptent ce terme, Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu, Al-Asma wal-Ahkam, les noms et les statuts, les questions liées à l'excuse de l'ignorance, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne la réalité de l'islam, Haqiqat al-Islam. Fi hadhi al-marhala, yahtaj ila mukhtasara fi ulum al-ala. Parce que la personne veut, entre guillemets, devenir un talib al-ilm, chercher l'agrément d'Allah par la science, et entre guillemets, se spécialiser dans la science, il a besoin des sciences, d'outils. Ulum al-ala. Fala astaghni anha talib al-ilm, wa la yanbaghi an yaj'alaha ghaya. Le talib al-ilm ne peut pas se passer de ces sciences-là, mais il ne doit pas en faire un but. Le but, c'est d'adorer Allah par le Coran et la Sunna. C'est le but de la science. Le but, c'est pas d'enseigner aux gens usul fiqh jusqu'à ce que tu fais passer les règles de usul fiqh avant le livre et la Sunna. Jusqu'à ce que tes écrits et Abdallah soient remplis de règles de usul fiqh et ne soient pas remplis de la parole d'Allah, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des salaf. En grammaire, il étudiera l'Ajrumiyya, qui est un maître extrêmement résumé qui rassemble les principales règles de la grammaire arabe avec son explication At-Tuhfat al-Saniya al-Muhyiddin Abdelhamid. Dans Mustalah al-Hadith, certains conseillent al-Bayquniya fi Mustalah al-Hadith, qui est un bayt, un poème très résumé qui rassemble les définitions des hadiths sahih, da'if, hasan, etc., etc. D'autres conseillent plus Nukhbat al-Fikr, qui est plus complet, de Ibn Hajar. Et dans Usul al-Fiqh, le problème c'est que beaucoup conseillent al-Waraqat d'Al-Juwayni. Usul al-Fiqh, c'est une science qui malheureusement a été pervertie et salie par les gens du Kalam, les gens de l'innovation et les gens de la théologie spéculative. Et il serait bon qu'une personne qui a la aqidah des salafs fasse ou bâtisse un matn, un texte court dans l'usul, conforme à la voix des salafs dans Usul al-Fiqh. Il y a bien un livre qui s'appelle Tawdih Usul al-Fiqh ala manhaj ahl al-hadith de Zakaria ibn Ghulam Qadir al-Pakistani. C'est un Pakistanais. La clarification des bases du fiqh selon la voix des gens du hadith, qui rassemble des règles et des masael. La ba'sa bihi. C'est un livre qui fait plus de 300 pages. لا بأس به إن شاء الله تعالى. Quant au fiqh, il continue en étudiant les adorations obligatoires. On a cité Tahara wa Salah, on cite ensuite As-Siyam, qui est une obligation pour chaque musulman. Sauf petites exceptions, et ensuite Kitab al-Jihad. Puisque le djihad est fard'ain pour chaque musulman qui est en capacité de l'accomplir à notre époque, il est donc une obligation que les gens étudient et que les shuyukh enseignent les règles du djihad. Et malheureusement, c'est assez peu répandu. Des livres détaillés qui expliquent les règles du djihad, ils sont bien sûr présents dans tous les livres de fiqh des anciens. Je parle parmi les contemporains. Je ne connais que le livre de Abu Abdullah al-Muhajir, Masa'il min fiqh al-Jihad, qui est très détaillé, qui aurait besoin de ikhtisar, de résumé. Sinon, bien sûr, il faut qu'il étudie Kitab al-Jihad parmi les livres précités, le livre du djihad dans les livres précités, Al-Udda, Sharh Al-Umda, Taysir Al-Allam, Tawdih Al-Ahkam, et l'akhir. Dans l'Aqida, il continue dans le Mukhtasarat. Les livres qu'on a cités précédemment concernent le Tawhid Al-Ibada, le Tawhid à l'adoration, et les annulations du Tawhid, Nawaqid Al-Tawhid, les questions liées à l'Asma Al-Ahkam, l'excuse de l'ignorance, les questions du Takfir, les questions liées à l'Wala Al-Bara, tout cela concerne l'Iman et sa définition. Et il faut ensuite étudier des livres qui définissent ou qui développent les piliers de la foi. Arkan al-Iman, c'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, au jour du jugement dernier, et Al-Qadar. Parmi ces livres-là, Al-Aqid al-Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah, avec l'explication de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, ou Lum'at al-I'tiqad d'Ibn Qudama, avec l'explication de Ali al-Khudayr, Az-Zinad, Sharh Lum'at al-I'tiqad. En ce qui concerne le tafsir, au cours de son étude, que ce soit dans le tawhid, que ce soit même dans le hadith, ou que ce soit dans le fiqh, il va tomber sur des versets. Ces versets-là, s'il veut les comprendre, il faut que le talib al-ilm ait à sa disposition quelques livres de tafsir. Sachant que la science du tafsir, et on l'a cité précédemment, a été, pour beaucoup de livres, pervertie et sali elle aussi par ilm al-kalam, par les bid'a de l'asha'ara, par les bid'a de l'murji'a, particulièrement de l'asha'ara, l'interprétation des noms et des attributs. Et on trouve très peu de tafsir qui sont sur l'aqida des salaf en ce qui concerne les noms et les attributs. Parmi eux, et le meilleur d'entre eux, j'ai entendu de nombreux shuyukh dire que ce tafsir est parmi les meilleurs tafsirs al-itlaq, le tafsir de l'Hafid ibn Kathir, rahimahallahu ta'ala. Donc la personne, il est bien qu'il achète dès le début de son talab al-ilm, tafsir ibn Kathir, et qu'il le garde à disposition. Et lorsqu'il a un problème avec un verset, il regarde ce que dit l'Hafid ibn Kathir dans l'explication de ce verset. De même, parmi les tafsirs contemporains relativement, tafsir al-Sa'di, qui est sur la voie des salafs en ce qui concerne les noms, les attributs, et même tawhid al-ibada. De même, tafsir al-Baghawi. Parmi les tafsirs sur la voie des salafs, il y a le tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari, mais il ne convient pas à un débutant. Il est extrêmement développé, extrêmement difficile, et surtout, voilà, extrêmement développé. Il cite de nombreux athars à chaque verset. D'autres, non. La plupart des tafsirs qui sont répandus parmi les gens sont remplis de bid'a. Parmi eux, ceux qui en ont beaucoup, parmi eux, ceux qui en ont moins. Parmi eux, tafsir al-Qurtubi, dans lequel on trouve l'interprétation des attributs d'Allah à la tariqat al-Asha'ara, al-Irja, dans l'Iman. Tafsir al-Jalalayn, al-Ash'ariya, le reniement ou l'interprétation des attributs d'Allah, fi dhilal al-Qur'an, tawam, fi l'Aqida, les catastrophes dans l'Aqida. On n'a qu'à revenir au livre du Cheikh Abdullah al-Douaysh. Qui s'appelle Al-Mawrid Al-Adb Al-Zulal Fit Tambih Al-Akhta Al-Zilal, qui est un livre de 358 pages dans lequel il a rassemblé toutes les erreurs de Aqida présentes dans Fi Zilal Al-Qur'an. Et pour cela, nous ne conseillons pas ce livre si on rajoute en plus les questions liées au modernisme et au reniement de certaines questions très importantes de la religion. Wallahu al-musta'an. Voilà en ce qui concerne Zilal al-Qur'an al-Sayyid Qutb. Donc on ne conseille pas ce livre-là comme on ne le conseille pas nos mashaykh. Allah al-Musta'an. Avec cela, on a fini ce barnamaj. On a dit au début qu'il était mutawadi' jiddan, très modeste. À la fin de ce mustawa, la personne, il doit avoir maîtrisé, lu et étudié al-usul al-thalatha, كشف الشبهات كتاب التوحيد العقيدة الوسطية أو لمعة الاعتقاد يدوى avoir lu les commentaires lu جامع المحكم جامع العلوم والحكم ابن رجب et avoir étudié العبادات dans العدة شرح العمدة de بهاء الدين المقدسي et dans l'un des livres précités de أحاديث الأحكام. En ce qui concerne فقه الجهاد, je le dis, je conseille le livre d'Abu Abdullah al-Muhajir, le cheikh d'Abu Mus'ab al-Zarqawi, Masail min Fiqh al-Jihad. De même le livre العمدة في إعداد العدة de عبد القادر بن عبد العزيز sur la question de l'amal al-jama'i et de l'imara, même si ces questions-là doivent être remises à l'ordre du jour après la proclamation de l'khilafa, وفقها الله. En ce qui concerne les niveaux suivants, la personne, elle a le choix, il faut qu'elle reste en fonction de la méthodologie qu'on a citée. En ce qui concerne les livres, de manière générale, dans le tafsir, tafsir ibn Kathir, dans le hadith après Jami' Umm al-Hikam, et le livre de Ahadith al-Ahkam, parmi les meilleurs livres, Zad al-Mi'ad de l'imam ibn al-Qayyim, qui rassemble entre la sira et le fiqh, et dans Ahadith al-Ahkam, le livre Nail al-Awtar, Sharh Muntaqa al-Akhbar de l'imam al-Shawkani, dans l'Aqida, on l'a dit, après l'étude des Moutoun, les livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, Ma'arij al-Qaboul de Hafid al-Hakami, Al-Sharia de l'Ajurri, Sharh Usul i'tiqad al-Sunti wal-Jama'a de l'Al-Kai et d'autres, dans le fiqh, les livres connus, dans le madhab de l'imam Ahmed, Al-Kafi d'Ibn Qudama, Al-Mughni d'Ibn Qudama, Al-Mubdi' Sharh al-Muqni' d'Ibn Muflih, Kashaf al-Qina' Sharh Matn al-Qina' de Mansour al-Bahouti et d'autres. Des livres sur des sujets particuliers comme Siyas al-Shara'iyya, Fi Israh al-Ra'i wal-Ra'iyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyya, extrêmement important, Al-Turq al-Hukmiyya, Fi Siyas al-Shara'iyya de Ibn al-Qayyim, Kitab al-Salah wa Hukm al-Tarikiyya de Ibn al-Qayyim et d'autres. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأختم بكلام أحد السلف قال أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه كن عالما أو متعلما أو محبا أو متابعا ولا تكون الخامس فتهلك قال الحسن هو المبتدع ذكره ابن مفلح في الأداب الشرعية المجلد الثاني صفحة 36 أبو الدرداء دي soit un savant, ou alors un étudiant, ou alors quelqu'un qui aime la science, ou alors quelqu'un qui suit. Et ne sois pas le cinquième, car tu serais perdu. Al-Hassan a dit, le cinquième, c'est Al-Mubtadi', l'innovateur. C'est cité par Ibn Muflih dans l'Adab al-Shar'iyya, le volume 2, la page 36. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa allahu a'lam, wa astaghfirullaha li wa lakum. ولسائر المسلمين.